Voir se dit ver. Ver. Et vu, c'est visto. V-I-S-T-O. Hein? Vous connaissez sans doute l'expression hasta la vista. Hein? Vista, c'est la vue. Donc, visto, c'est vu. Alors, je ne l'ai pas vu. No lo he visto. D'accord. No lo he visto. Hein? No lo he visto. Alors, nous l'aurions vu. Lo habríamos bien visto. Lo habríamos visto. Hein? Et si j'avais su, je serais allé avec vous. Hein? Je serais allé avec vous. Habría. Mm-hmm. Et maintenant, quel est le verbe? Ir. Alors, comment allez-vous plonger à partir de ce verbe ir? Essayez. Ido. Bien, hein? Ido, c'est ça. Hein? C'est soit ado, soit ido. Donc, là, c'est simplement ido. Mm-hmm. Hein? Habría ido con usted. Je serais allé avec vous. Estar. Quand vous plongez, ça donne estado. Estado. Hein? D'accord. Hein? Par exemple, habría estado allí. J'aurais été là. Hein? Si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais été là. Hein? Habría estado. Et ser, en plongeant, donne sido. Sido. Hein? C'est ça. Hein? Alors, c'est possible, se dit es posible. Donc, ça aurait été possible. Habría sido. D'accord. Habría sido posible. Habría sido posible. Hein? Et, par exemple, on dira no habría sido posible así. Hein? No habría sido posible así. Pour dire ça n'aurait pas été possible comme ça.